brincadeira, monta pra cala de acender. Ai, ai, ai, a serra é pra partir. Vem pra lá pra me dar um sazão gourmet. La monta cara de acender. Ai, ai, ai, a sueia não vai jouer. Memba ou ela me taro, sa son gourmet. Moi, t'y gombe, gode, que la tes sou chante, van bologue. Sou chante, van diou, mouillon, cassette, ou envitant de voir. Meio soy, gode, que la tes sou chante, batamassette. Sou voyon, si dit, ma va chante, yon. Wakupe wale, ire wamini wenako wale. Wakupe wale, ire wamini wenako wale. Ire wamini wenako, ia change. Autant pour mon qui voulait, nous songeons, nous songeons, nous songeons, Yeah.